Et bonjour à toutes et à tous, ici Pegadinka, bienvenue dans le deuxième Pay Podcast du mois de mars. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Tsuna, Storm. Ok, salut l'élite. Salut tout le monde. Playmaker. Salut. Et d'un nouveau membre du staff qui a rejoint les Pay Podcast, Castiel. Bonjour. Voilà. Aujourd'hui, comme vous avez pu le deviner dans le titre de cette vidéo, mais aussi par rapport aux informations qui sont arrivées très récemment, on va parler de la nouvelle saison de Beyblade Burst, aka Beyblade Burst Gachi. On va parler principalement du nouveau système de Bey, des nouvelles pièces qui ont été révélées avec les nouvelles Bey, notamment Slash Valkyrie, Bushin Ashura et Ace Dragon. Et on dira un tout petit mot sur l'anime par rapport à sa date de diffusion, comment ça va se faire, etc. Voilà. Du coup, bah, moi je vous propose directement de commencer par la présentation de Beyblade Burst Gachi, les tenants, les aboutissants, tout ce qu'il va y avoir. Alors du coup, Beyblade Burst Gachi, quatrième saison de Beyblade Burst, quatrième génération de Bey également. On en est du coup... au quatrième système, si je ne m'abuse, parce que il me semble que le cinquième. Ah oui, parce qu'il y a eu le single layer system, dual layer system, gold layer system, Chozed et Kaxei. Du coup, on en est non. Ah oui, Kaxei, ok, il compte. Ok, d'accord. Moi, qu'est-ce que c'est, je le compte dans Chozed, hein. Bah, compte dans Chozed, oui. Ok, yes. Ah ok, d'accord. Mais oui, non, mais en fait, parce qu'il y avait le dual qui était dans la saison 1, du coup, ça compte pour deux systèmes, même si pour moi, le dual layer n'est pas vraiment un nouveau système, mais ça compte dans la continuité entre guillemets officielle de Takara. Mais du coup, ouais. Ce nouveau système va encore une fois révolutionner les layers. Enfin, en tout cas, on nous montre comme nouvel argument entre guillemets commercial les layers. Donc, le nouveau système sera le système Gachinko Layer. Du coup, ce système Gachinko Layer ça aura tout simplement pour propriété de diviser le layer en trois parties. Donc, la première partie qui sera tout au-dessus, donc le Gachinko Chip, qui aura pour propriété de modifier la burst résistance de la toupie. Donc, avec les dents que vous avez vu si vous achetez des Takara juste en dessous du layer. Donc, en fonction de savoir comment les crans vont glisser. Selon les impacts qu'elle prend, etc. Ensuite, juste en dessous de ça, on aura le weight, donc bah, la partie qui aura la plus grande influence sur le poids du layer, avec différentes formes, on les verra plus tard. Et la base, qui est tout simplement la partie qui va entrer en contact avec le layer adverse, et qui va définir plus ou moins aussi le type de la toupie. Voilà, donc par exemple, une base un peu plus ronde sera de type défense, alors qu'une base plus aiguisée sera de type attaque, etc. Voilà. Du coup, déjà, vous, ce nouveau système de Gachinko Layer, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce qu'on a eu avant qu'est-ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, vos attentes, etc. On vous écoute. C'est trop bien. Voilà. Non, mais pas en vrai, moi, en vrai, je le trouve innovateur et tout, c'est cool. Pareil. Pour du burst, j'entends. Pour du burst, parce que du coup, ça fait vachement penser à Metal Fight. Pour le coup, ouais. Parce que ouais, pour le coup, en fait, quand on prend du coup les nouveaux layers, si je prends Ace Dragon, ça fait Ace Dragon. Merde. C'est quoi son poids Zan, pardon. Zan. Voilà, c'est ça. Et du coup, ça fait fortement penser au système de roue de fusion et de boulon et d'anneaux d'énergie qu'on avait dans Metal Fight Beyblade, forcément. Avec le weight en plus. Avec le weight entre les deux, ouais, c'est ça. Mais du coup, ouais, c'est vrai que moi, la première réflexion que je me suis faite, c'est qu'une base, ça ressemble beaucoup à une roue de fusion, mais genre vraiment, même dans la forme au milieu, etc. Donc, ouais, bien sûr. On sent qu'il y a une inspiration. Après, le weight, je pense vraiment qu'ils ont pris cette idée à Bakuten Shoot, parce qu'il ressemble vraiment au poids de Bakuten Shoot. Déjà, Burst s'inspire de Bakuten à la base. Donc, oui, bien sûr. Burst est plus proche de Bakuten, d'ailleurs, c'est pour ça que ça a été la première raid. Bah, déjà, pour le fait qu'il y ait les générations plastiques. Oui. Du coup. Ouais. Mais ouais, après pour les rééditions Bakuten Shoot, je pense aussi que c'était pour rester vraiment dans l'ordre chronologique en fait. C'est ça, dans l'ordre des choses. Oui, il y a de ça, et puis c'était plus facile, c'était déjà du plastique avant. Je pense que pour rééditer du Metal Fight, il fallait repenser les bails aussi un peu. Oui, bah bien sûr, parce que forcément, autant Dragoon avait des similarités avec le système Burst assez proche, je dirais, autant pour refaire une Metal Fight, il y avait beaucoup d'éléments à prendre en compte. Et pour le coup, avec du coup maintenant le système Gachi, je trouve qu'on se rapproche encore plus de l'esprit un peu Metal Fight, et du coup, c'est intéressant pour adapter des Metal Fight avec ça. Voilà. En tout cas, hâte de voir la cinquième saison où tu vas pouvoir changer le ressort du driver, quoi. C'est hâte. Non mais mine de rien, déjà avec les drivers Dash, on s'en rapprochait un peu. Sens où, comme pour le Gachinko où tu changes les dents, le driver Dash, bon bah c'est juste une version plus serrée, mais voilà, déjà tu changes en fait, enfin le ressort est changé. Tu changes l'aspect technique de la toupie. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Après, du coup, pour ce système-là, pour faire le comparatif avec Metal Fight, en fait, je trouve que le Gachinko chip, ça reprend, en fait, ce serait le mélange, la fusion entre l'anneau d'énergie et le boulon. Bon, le white serait quelque chose entre les deux, et effectivement, comme tu dis, la base, c'est totalement la route fusion. C'est ça, ouais. Bah oui. Après, à la seule différence que l'anneau d'énergie avait une influence aérodynamique sur l'abeille, pour le coup, le Gachinko chip, je sais pas trop. Je pense pas. Un peu quand même. Si, je pense que ça va être. Ça ne sera pas aussi influent que. Voilà, c'est que l'anneau d'énergie. Que les frais, ou que les anneaux d'énergie, mais. Mais ça aura quand même une incidence, c'est sûr. Et puis même le simple fait des dents, ça joue quand même sur la statistique pure de la toupie. Ah oui, ça pour le coup. Mais ouais, franchement, pour le coup, je trouve ça très intéressant de pouvoir modifier les dents des toupies. Et une des inquiétudes que justement j'avais par rapport à ça, moi, c'était que. Je ressens encore une fois cette comparaison. On met par exemple des dents de type attaque qui sont super serrées sur une toupie ultra lisse, et du coup, forcément, on obtient une baie quasiment imburstable. Pour peu qu'on rajoute un driver dash dessus, voilà, c'est terminé. Mais du coup, pour le coup, là, j'ai vraiment l'impression que les dents sont toutes à peu près à la même hauteur et que c'est juste des variations d'épaisseur, de comment elles sont de décalage, etc. Donc, je trouve ça bien plus intéressant pour le coup. Et bah franchement, j'applaudis Takara sur ce coup parce qu'ils ont vachement bien géré leur truc. À voir comment ça va tourner, bien sûr. Mais je trouve ça très intéressant pour le coup. Voilà. Moi, mon grand espoir que j'ai par rapport à tout ça, donc on se rappelle tous pendant les God Layers, justement, de ces fameux layers qui changeaient de forme, plus ou moins en fonction du nombre de crans qui étaient desserrés. Et bien, du coup. Ah oui, bien sûr. Je pense que moi, franchement, s'il me ressort des layers avec ce système-là. Compatibles, donc en fait qui seront des bases avec donc cette gimmick et un Gachinko du coup avec des dents différentes, ça voudra dire qu'en fonction du Gachinko chip, la gimmick va évoluer de manière différente, et ça ce serait vraiment très bien trouvé de la part de Takara Tomy. Oui, bien sûr. Après moi aussi, ce que je trouve assez intéressant, c'est que étant donné que l'écran est ce qui donne la rotation à l'abeille, donc comment t'enfonces le driver, etc., et comment ça tourne, je suis curieux de savoir en fait Je ne pense pas, hein, parce que clairement il y a des layers, enfin il y a des bases du coup maintenant qui sont pas du tout adaptées à ça, notamment la base de Slash. Si toutes les baies pourraient devenir des rotations droite ou rotations gauche, je sais pas pour le coup. Mais, je pense que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont inverser leur. Tu sais, la base, quand tu mets le Gachinko chip, t'as un petit trou qui est un peu incliné. Je pense qu'ils vont inverser le voir sur Slash. Oui, oui, d'accord, ok, ouais, je vois. Mm. Oui, oui. Et du coup, ils inverseraient la forme pour laisser les bases rotation gauche et les bases rotation droite. Ok, ouais, je vois. Mais ouais, du coup, je pense que les bases pourraient. Il y aurait des bases rotation gauche et des bases rotation droite. Par contre, tu pourrais mettre éventuellement tous les Gachinko chips dessus. C'est ça, oui, mais ça n'influerait pas sur le centre de rotation. D'accord, ok. Ouais, bah j'avais pas vu. Par contre, les rails. Oui, bien sûr, on en sait. Oui, vas-y. Genre le 8, moi j'appelle encore ça le 8 de métal parce que ça me fait rire. La première fois que je l'ai vu, genre tu sais, avec le. Bon, on s'en fout, le premier 8 de métal, là, les 8 là où je sais plus comment ça s'appelle, merde, bref, vous avez compris. Ouais, le truc qui se met entre. Voilà, c'est merde. La première fois que je l'ai vu, je me suis dit, bah, en fait ça fait penser à Dead Hades. Par rapport. C'est vrai. Attends, je vais t'envoyer l'image. Les points sur le layer sur le côté. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Bah après, t'avais aussi fait la comparaison avec l'icône de Legend of Spriggan, il me semble. Oui, effectivement, ouais. Ouais, voilà. Ça a une ressemblance. Mais ouais, voilà. Mais aussi, ouais, truc qui n'est pas pris en compte dans le système Gachinko Layer, mais les disques aussi ont changé de forme. Notamment, maintenant, ils ont, je sais pas si on peut appeler ça une nomenclature, mais ils ont des... merde, j'ai plus le mot. Des initiales, voilà. Des initiales à deux lettres, comme les drivers, du coup. Et leur spécialité maintenant, c'est d'avoir des gimmicks. Donc, à voir si, du coup, tous les les disques de la génération Gachinko seront à gimmick. Moi, j'espère. Moi, ça me fait franchement kiffer d'avoir des disques à gimmick. En fait, pour moi, c'est une innovation majeure qui va encore améliorer la profondeur du jeu. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai hâte de voir, quoi. Et surtout que l'avantage, même si du coup les Gachinko ne vont qu'avec les bases et tout ça, les disques, on va pouvoir les remettre sur d'autres toupies qu'on avait déjà, les God, les Singles, les Dual Layers. Bien sûr. Et ça va nous ouvrir de nouvelles perspectives. Comme les drivers, au final. Mais bien sûr, voilà, c'est ça. Non, mais puis ça va nous ouvrir des perspectives. Les Gachinko, tu vas pouvoir les mettre sur des anciens disques et des anciens drivers et tout ça. Oui, bien sûr. Oui, voilà. Par contre, Pega, genre j'ai envoyé l'image dans le truc staff. Mais genre vraiment, même le centre me fait penser à ça, tu vois. Ah oui. Avec les six petits boulons rouges plus le centre, tu vois ce que je veux dire. Si, ouais, ok, ouais, je vois. Après, forcément, ils ont dû s'inspirer de différentes choses. Ouais, voilà, c'est ce que je me suis dit. En fait, je me suis dit, est-ce qu'ils n'ont pas sorti cette toupie? Après, ils se sont dit, ah, c'est pas mal. Ouais, ils ont dit. Après, vas-y. Pour les disques, tu sais, par rapport aux lettres, je sais pas s'il y en a qui savent. À l'époque des dual layers, il y avait un layer, un disque, un driver pour chacun de l'alphabet. Oui. C'est pour ça qu'après, yes, ils ont fait les deux lettres. Et après, ils ont fait les deux lettres, ouais. Et le dernier disque qui manquait, c'était Zenith pour la lettre Z. Et ils l'ont ressorti. Qui est sorti sous le Z. Et les frames, c'est toujours d'actualité. Ils ont pas encore complété l'alphabet, mais il existe une frame pour presque chaque lettre de l'alphabet. Mais après, ouais, par contre, pour je sais pas s'ils vont nous ressortir les disques à frame. Parce que moi, là-bas, je me suis dit, peut-être ils vont s'arrêter à 10, je sais pas. Mais finalement, ils sont allés jusqu'à 13, voilà. Et, enfin, 13 et double 0, mais ouais. Donc, et double 0, ouais, bien joué. Et donc peut-être qu'ils en ressortiront, mais franchement moi il me semble qu'on a pas mal de frames, ça me ferait chier d'en avoir si peu, parce que c'était vraiment une mécanique assez intéressante. Alors après oui, forcément les nouveaux disques de la génération Gachinko ont des similarités avec les frames, notamment les parties en plastique. Mais je sais pas, on n'est pas encore sur le même délire. Ouais, mais c'est pas interchangeable en fait. Il y a cette partie là, ouais, c'est ça. Et ben pourquoi pas nous faire du coup des nouveaux disques Gachi, avec justement la partie, peut-être juste une partie éclipsée, une gimmick interchangeable. Ouais, après ça je sais pas, parce que justement en fait, moi je me dis, ça donne en fait des avantages et des désavantages par rapport au disque à la génération de disques que tu choisis. Genre par exemple, admettons tu prends un disque dual layer ou single layer, bah ok tu peux pas mettre de frame, mais du coup t'as l'avantage que comparé à un disque core, frame sans frame tout autour, bah t'as des disques qui sont plus lourds ou plus aérodynamiques, etc. Ou des disques qui ont des mécaniques, genre par exemple Jerk, par exemple, alors que des disques à frame, il n'y a pas de mécanique comme ça. Là, non. Je me dis. Je réfléchis, ouais, par contre, en fait, à la limite, le seul truc qui pourrait s'en rapprocher, ce serait la comparaison avec Magnum et One et Hit. Ce serait à peu près la même comparaison, voilà, qu'on pourrait leur trouver. Mais dans l'ensemble, il n'y avait pas de disque à mécanique active en combat, je dirais, pour les disques core. Du coup, je me dis, en fait, peut-être qu'ils disent, oubliez pas, on a ressorti des anciens disques core, faut quand même les utiliser en compétition, du coup, les disques Gachi, ils auront quand même un désavantage, ce sera de ne pas pouvoir les customiser. Donc, pourquoi pas. On verra. Après, bien sûr, on verra, comme dit, là, on n'a que 3 abeilles devant les yeux. Et, que ça. On verra ce que l'avenir nous dira. Mais par contre, chose intéressante sur les bases de ce que j'en vois, moi. Alors, dites-moi si je me trompe. Mais il n'y a que 6 emplacements pour des potentiels poids sur les whites. Je ne sais pas si vous voyez ça. Sur Ice Dragon, il y a des petits losanges qui, du coup, en fait. C'est sur les voies, sur les bases. Ouais. C'est ça, et c'est là où s'emboîtent les bases. Du coup, en fait, je me dis. Alors, forcément. Avec 12 points, ça fait des combinaisons hyper intéressantes, surtout qu'on a vu qu'il y avait des poids qui n'étaient pas liés entre eux, notamment Ten. Mais je me dis, du coup, en fait, on aura des weights qui vont beaucoup se ressembler sur la fin, parce qu'il n'y aura que quelques combinaisons possibles. Donc, je sais pas, encore une fois à voir, mais ça, c'est des éléments qu'on a sous la main et qui peuvent nous permettre de, pas de voir, mais d'entrevoir un peu l'avenir, de voir comment ça va se dessiner. Voilà. Yes, et en vrai, moi je serais curieux d'avoir l'avis de Cassiel sur ça, parce que c'est le petit dernier, on va dire, d'entre nous dans le Beyblade. Ouais. Et donc, du coup, le mec, tu vois, qui a découvert Burst il n'y a pas si longtemps, qui connaît MFB, mais que de l'anime, qui compte foutre ni rien. Et donc, on lui sort ça, et on fait ça ressemble un peu à MFB. Qu'est-ce qu'il en pense en vrai, tu vois? Ouais, par contre, ouais, Cassiel, c'est super intéressant ce que tu viens de dire, Suna. Franchement, n'hésite pas à donner ton avis là-dessus, parce que justement, l'avis d'une personne qui n'a pas l'expérience qu'il y a eu de Beyblade d'avant, ça peut être super intéressant. Voilà, donc voilà. C'est tout. J'arrive à 30 heures de s'endormir. Du coup, je cherche le poids des toupies. Est-ce que je crois qu'elles sont beaucoup plus lourdes que le reste, non? Alors, il y a eu une comparaison avec Dragon, en fait. Surtout Dragon. Je connais pas les poids de Bushin Ashura de Slash Valkyrie, si quelqu'un les a. Moi non plus. Voilà. Non, j'ai pas. Voilà, et Ace Dragon, pour le coup, est vraiment plus lourde. Mais après, alors encore une fois, c'est j'en sais rien, mais pour le coup, quand on compare les pièces, c'est ce qui ressort. Ce qui est surtout plus lourd, c'est les disques et le driver charge qui a une base ultra épaisse et avec du métal tout autour. Donc, un peu comme Octa, quoi. C'est ça, un peu comme Octa, mais version offensive. Mais par contre, pour le coup, et ça, franchement, j'ai vu le truc, j'étais super content. Les layers Gachinko font quasiment le même poids que les Chosen, et voire même un peu moins pour certains. Genre, il me semble que Dragon est à une vingtaine de grammes en dessous des Kaxei, pour vous dire, et les Kaxei n'étaient pas les plus lourdes. Donc, franchement, non, ça fait plaisir. Pareil. Hein. Et donc ouais, du coup en fait le layer le plus lourd reste toujours Perfect Phoenix, si je ne m'abuse. Ouais, il était à 28 il me semble, pas de bêtises. 28? Comment ça? Je sais plus, mais à confirmer, mais c'est dans ces zones là. Je pense qu'il veut dire genre 28 grammes. 28 grammes, ouais, c'est 27,5, ouais, 28. Bon. C'est ça, ouais. Ça dépend si tu mets un double zéro dessus ou pas, mais ça c'est encore autre chose. Non mais c'est le layer, je crois. Oui, bien sûr. Mais du coup, on va enchaîner directement sur les bails, à part si vous avez encore un petit mot à dire. Du coup, en fait, Cassiel n'a absolument pas donné son avis. Ah ouais? Oui, non, pardon. Tu l'as full coupé, Béga. Ouais, pardon, excuse-moi. Non, mais je suis désolé. Non, bah du coup, pour le fait de... En fait, je trouve ça juste un peu bizarre de passer de 4 pièces maximum à 6 pièces maximum. Mais pour l'aspect customisable, c'est beaucoup mieux, je trouve. Enfin, ça ouvre beaucoup de possibilités. Mais après, c'est surtout au niveau de l'équilibre entre le metagame de toutes les saisons où il semble encore aller toujours plus loin. Oui, voilà. Ouais, qui mais me ça, dérange. C'est la surenchère. C'est ça. Maintenant. Autant avant. Vas-y. Autant avant, j'essayais de défendre en disant ouais, tu vois, ça s'adapte un peu. Autant maintenant, je peux clairement dire qu'ils vont surenchérir pour rendre les produits plus attractifs. Après, ça, c'est sûr, ouais. Après, ouais, voilà, je suis un peu du même avis que Playmaker pour ça, même si je suis en mode, on sait pas, peut-être qu'ils vont apprendre de leurs erreurs. J'ai espoir, laissez-moi y croire, s'il vous plaît. Moi aussi, mais ouais. Moi, justement, je suis en. Mais pour le coup, je trouve vraiment que ça a été un retour en arrière par rapport à la surenchère avec les Kaxei qu'on a eu et les poids qui dépassaient. Exactement. Je suis totalement de l'avis de Pega à ce niveau-là, c'est-à-dire que moi, quand il y a eu les Kakusei, je me suis dit, on est parti dans un effet boule de neige. C'est ça. Alors que là, on est vraiment sur un. Voilà, je pense qu'on est revenu à quelque chose de très très bien, justement, de très performant, mais différemment, en fait. Ça performe dans un autre domaine, et c'est pas plus mal. Moi, au contraire, ça m'a redonné espoir plus qu'autre chose. C'est ça. Après, ouais, je... Mais d'ailleurs... Je peux me tromper, hein. De ce qu'on a... Oui, bah bien sûr, mais après, encore une fois, là, c'est pareil, les prémices de Chose Z, on se disait pas, ouais, ça va être ultra craqué, parce que les premières Chose Z, il me semble, étaient pas spécialement lourdes. Non, pas tant que ça. Hein. C'est ça, ouais. Enfin, surtout en comparaison aux dernières qui sont sorties, on va dire. Et du coup, on se disait, bon, bah, pourquoi pas. Et ça tournait comme ça. Donc, pour le moment, Gachinko, moi, je trouve que c'est innovant. Il y a de la customisation. Les poids avec les disques et les drivers sont peut-être un poil abusé, mais ça se trouve, c'est peut-être juste Ace Dragon, c'est possible, ça se trouve. Mais, ouais, peut-être, ouais. Mais hormis ça, moi je trouve que ça va. Je trouve qu'on est entré dans une manière de penser chez Takara où ils se sont dit, ok, ouais, bon, le système Kaxed, il y a beaucoup de fans qui étaient pas attirés par ça parce qu'ils trouvaient ça totalement pété. On va quand même essayer de calmer le jeu. Donc, et d'ailleurs, on a vu qu'il me semble que les Gachinko mettaient des grosses mandales au Kaxei dans certaines vidéos. Oui, tout à fait. Des vidéos officielles précisées. C'est ça. Oui, voilà, des vidéos officielles. Donc voilà. Après, je sais pas s'ils avaient précisé avec ou sans système Kaxei activé ou quoi que ce soit. Mais voilà, une fois, voilà, comme on disait, comme on vous le dit tout le temps d'ailleurs, hein, il n'y a pas de bail invincible et du coup, le système Kaxei en mode ouais, c'est craqué, etc., c'est invincible. Voilà, force est de constater que maintenant c'est plus d'actualité, même si forcément, moi le premier, on a tous été plus ou moins, j'ai pas le mot encore une fois, on prenait ça avec du recul quand on le voyait au début, on se disait, c'est pas ouf, et finalement, bon, ça va. Moi j'ai une petite question, parce que c'est quelque chose que je n'ai pas vu. Est-ce que sur les bases, il y a du métal sans qu'il y ait le weight? Non, justement, non. Et c'est ça justement que je trouve super intéressant, c'est que voilà. Du coup, ils t'ont retiré le métal tout autour du layer comme ils avaient fait dans Showz, mais t'as encore le métal sur les weights où tu peux l'intervertir. Donc voilà. Voilà, donc c'est bien ce que je pensais. En voyant la toupie monter, c'est là où je me suis dit, mais en fait, que la partie centrale, en fait, c'est ouais, que c'est la partie du weight. Donc au final, ça équilibre assez bien, ça je trouve ça très cool. Mais par contre, j'ai une petite question, en fait, est-ce que vous pensez que la toupie sera montable sans le weight? C'est une question que je me pose. Non, parce que ça fera un gros trou. Ouais, ça fera un beaucoup bah, trou. Pour moi, oui, tu peux. Ouais. Mais tu fermes ta gueule, tu fais pas ça. Non, mais pour moi, c'est comme à l'époque de MFB. Tu sais, tu pouvais monter là ta MFB sans l'anneau d'énergie, mais personne fait ça. Ouais, je vois. Non, mais par contre, en fait, pour le coup, je me disais, en fait, si ça a vraiment été pensé de cette manière par Taka, comme pour les frames, en fait, on pourrait faire des stratégies avec ou sans weight, et du coup, tu pourrais faire des délires comme ça. Après, je sais pas si. On verra quand j'aurai la toupie entre les mains, parce que pour le coup, moi, je sais pas pour vous, ça m'a beaucoup plus hypé que les choses aides. Mais. L'argent, moi aussi. Je les ai demandés bientôt, donc je vous dirai. Voilà, oui, il les a déjà commandés, pour vous dire, donc voilà. Et moi, le seul truc que je trouve dommage avec Gachi, en fait, c'est que bon, c'est un inconvénient, mais c'est aussi un avantage. C'est que du coup, comme on a plus de pièces, dans le layer, on a plus de customisation. Mais le fait que du coup, t'es plein de couleurs, je trouve ça moche, sa mère. Ah oui, tu veux parler du coup par rapport au grand et à la rock qui vont pas du tout avec dragon, j'imagine. Ah non, gros, non. Tu mets le centre de Valkyrie. Sur Bushin là ou je sais pas quoi, frère, ça pue sa mère. Ouais, d'un point de vue design. Alors, ouais, tous les goûts sont dans la nature. Oui, le gars qui veut être gentil. Après, c'est quand même la même personne qui nous disait qu'on pouvait pas trouver une Hasbro plus jolie qu'une Takara, n'est-ce pas? Ça sort les vieux dossiers. Non, mais par contre, pour le coup, je pense que Tsuna. Cela ne nous regarde pas. Tsuna a surtout voulu parler en termes de cohérence de design. Et pas forcément de goût, en fait, de manière, on va dire, objective, avec de très grosses guillemets, voilà. Oui, effectivement, ça peut créer quelques incohérences. Après, tu vois, j'ai envie de dire, on l'a tous déjà fait de jouer un driver qui, par exemple, parce qu'on en avait besoin pour son combo, n'allait pas du tout en termes de coloris avec le reste de la toupie. Bon, là, c'est vrai que c'était moins gênant, c'était en dessous, là, c'est sur le dessus, on va forcément le voir. Et puis surtout, c'est une grosse partie bien large, donc. Et ben maintenant, c'est comme dans les MMORPG ou les autres jeux de ce style, il va falloir faire un choix entre être performant ou être stylé. Voilà. Non. Tu veux un paladin entre. C'est comme ça. Tu veux être un paladin hyper fort, tu seras en rose. C'est comme ça, c'est la vie. D'accord. Les paladins overcheatés ont une arme rose, c'est tout. Non, gros, le truc qui va se passer, par contre, c'est que ta carrière va dire t'en as marre d'être moche, mais t'es fort. Gros, t'inquiète pas, on va te sortir des sets avec toutes les couleurs dedans, sa mère là. Non, mais par contre, pour le coup, je pense du coup, les random boosters auront des. Enfin, ça a toujours eu une utilité de coloris et du coup, de pouvoir faire tes compositions comme tu les sens avec tes goûts et tes couleurs. Mais je pense que du coup, maintenant, ça aura plus grand intérêt. Mais ouais, voilà, c'est... encore une fois, je trouve que ça ouvre un champ de possibilités assez grand. Encore une fois, à voir ce qu'ils vont nous faire. Juste comme ça, rappelez-moi comment ça s'appelle les boules aléatoires là au Japon. Gachapon. Est-ce que vous le sentez venir la centaine de gachapon avec des. Avec juste des bases. Même pas ça, juste des gachinko. Des gachinko chips. Juste ça en masse. C'est possible, ça m'étonnerait pas. Mais voir même plusieurs gachinko dans un seul gachapon parce que c'est vachement petit comme machin. Oui, bien sûr. Ouais, des petits sachets quoi. Mais au Japon. Je rentre dans un game center, je ressors, il n'y a plus de gachapon. Qu'on soit clair. Mais clairement, je pense que quand on y sera, ça va un peu ressembler à ça, oui. Ouais, voilà. Mais clairement, c'est. Moi après, qui pense un peu moins design que, on va dire, tester toutes les possibilités, même cette option de dire ouais, tu peux acheter plusieurs petites pièces, pas trop chères, pour customiser comme tu le sens, franchement, ça, je trouve ça cool. Mais après, j'espère que ça. Oui, puis en plus, ça ne te force en rien, tu vois. C'est pas dans le sens où on te dit, tiens, il y a un truc super rare, hyper performant, et il est aléatoire. Non, voilà, là, c'est ça. Juste c'est pas comme level chip ou driver dash pour le coup. Là, c'est vraiment l'inverse, je dirais, pour le coup. Mais ouais, c'est cool. On passe direct à Ace Dragon ou vous avez encore des trucs à dire? Non, moi, franchement, je pense qu'on est, on est bien. À dire. Ouais, bah, puis je pense, aussi, je pense qu'on a, on a bien fait tourner le sujet. Qu'on... Oui, sans mauvais jeu de mots. Oui, oui, bien sûr. Du coup, on commence du coup cette nouvelle génération de Beyblade avec un DX Starter. C'est assez rare pour le noter parce que il me semble que le premier. Il me semble que c'était Valkyrie. Bah, c'était et, sur les single layers. C'est ça, oui. Les, ouais, c'était les seuls qui étaient sortis avant ça. Et je confirme, c'est les deux premières bursts qu'on a pu acheter. C'est ça, voilà. Le D01 avec Kerbeus et Ragnarok. Oui, oui, voilà, mais sauf que Kerbeus et Ragnarok n'étaient pas des DX starters. N'étaient que des starters standards. C'est ça, voilà. Et du coup, pour le coup, putain, quel DX starter, parce qu'il y en a du contenu là-dedans, on va pas se mentir. Alors, par contre, on est d'accord qu'il n'y a pas de Baylogger. Non, non, non. D'accord, non, c'est là où ça peut porter à confusion parce que l'appeler DX oui, starter, c'était en faisant réservé aux starters avec Baylogger. Bah après, il me semble que DX, c'est là pour l'abréviation de Deluxe, si je ne m'abuse. C'est ça. Yes. Oui. Parce qu'il y a plein de trucs dedans, forcément. Mais du c'est coup, ça, ouais, non, mais par contre, c'est vrai que jusque-là, quand tu n'as eu que cette appellation, ouais, tu peux penser que ça part de Baylogger, etc. Après, ouais, Deluxe, c'est pas que pour Beyblade, hein, mais ouais. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais je veux dire, par rapport à Beyblade, on a été habitué à ça. Ouais, voilà, c'est ça. Mais du coup, DX starter de type attaque, je pose ça là parce que vous verrez que c'est pas forcément évident avec tout ce qu'il y a dedans. Bah, après, moi personnellement, alors oui, on y reviendra après, mais Grand Derog pour pas vraiment attaque. Hein. Non, non, pas du tout. C'est même pas du tout. Justement. Voilà, et, oui, d'accord, c'est Ace Dragon qui est intitulé attaque, mais on lui donne des perspectives de changement. Quoi. Exactement, voilà. C'est ça. Mais du coup, comment dire, starter, Ace Dragon, Sting, Charge, Zan. Donc retenez bien comment prononcer les noms parce que le wait se met tout à la fin. Ne me demandez pas pourquoi. Ouais. Voilà, c'est comme ça. Le truc, il arrive en deuxième position en termes de hauteur, tu le mets à la fin. Oui, casse voilà. Pas la c'est tête. Parce que ça aurait fait bizarre de l'appeler genre Ace Zan Dragon. Tu vois, Ace Dragon, c'était plus stylé, je pense, c'était juste dans cet intérêt-là. Ouais, parce que. Ace Dragon Zan, ça marche aussi. Bah, non, mais après pour le coup, j'en sais rien parce que je travaille pas chez Takara encore une fois. Mais je pense aussi parce que Ace et Dragon, c'est des mots anglais. Zan, c'est japonais. On a vu qu'il y avait Retsu, on a vu qu'il y avait Ten. Enfin, Ten à la japonaise, bien sûr. Donc peut-être c'est pour pas faire la coupure, sachant qu'en plus quand tu regardes la boîte de chez Takara, il y a le caractère japonais qui se pose bien là à côté de du ST et de CH. C'est vrai qu'ils l'ont écrit en kanji. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est ça voilà. Donc voilà. Du coup contenu de ce DX starter. Alors avant de commencer à parler de l'abeille, on aura un Light Launcher LR avec un Dragon Winder. Donc Dragon Winder, encore une fois corrigez-moi, mais il me semble que c'est comme le Phoenix Winder, si je ne m'abuse. Oui, mais avec l'embout de la crémaillère de. C'est ça, du LR. Du coup, tu peux le mettre. Mais du coup, je trouve ça cool parce que même déjà, c'est un type de crémaillère qu'on avait déjà. De la Bakuten Shoot, et si ma mémoire est bonne, il fallait prendre. C'était avec une dragoon spécifique qui était fournie parce que c'était une crémaillère un peu plus longue. C'est ça, et dans l'animé, il emboîtait justement de crémaillère pour en former une plus longue. Voilà. Mais du coup, voilà. Moi je suis rassuré que le Dragon Winder soit pas encore plus long que le Phoenix Winder. Voilà, déjà ça, je suis en mode yes. Oui, puis même, moi je suis très content de voir qu'on revient enfin à des lanceurs parce que les derniers lanceurs qui avec Bay, ils quand même ils tuaient la merde quoi, faut le dire. Pas des long lancers. Ouais, les longues. Les longues. Non, il parle des protos lui. Ouais. Sont dans le bois solo. Après on n'a pas encore de starter de base parce que Bushin Ashura et / Valkyrie sont des starters. Ouais, c'est des boosters. Il y a pas de lanceur dedans. Et du coup, on ne sait pas encore comment vont se composer les starters, s'il y aura encore des lanceurs... Désolé, Apple TV, Non, mais t'inquiète. S'il y aura des lanceurs proto ou de base, en fait. Mm. Mais en tout cas, perspective intéressante, c'est que si jamais t'as envie de commencer Gachi avec la première bail, donc Dragon, bah t'as un lanceur qui Kali, clairement. Enfin, moi, très clairement, il est bien, il est très très bien, il fait le taf. Non, mais puis surtout qu'en fait... Et le contenu de la boîte sont hyper intéressants, je trouve. Oui, voilà, parce que c'est très customisable. Du coup, tu peux tester les nouvelles perspectives de la génération, c'est très intéressant. Du coup, Ace Dragon, Sting Charge, Zan, donc du coup c'est la composition de la toute première baille de base. Donc encore une fois avec le Gachinko Chip, Dragon qui a 4 dents basiques il me semble, forcément c'est la première baille, du coup ils se sont dit on va imposer le truc basique pour que les gens comprennent que ce soit la base. Voilà, une référence, quoi. Exactement. C'est ça. Son poids, du coup, Zan, alors attention, c'est du japonais, hein. Je pense m'avancer là-dessus sans abuser que tous les weights seront prononcés à la japonaise, je pense. Oui, bah, en tout cas, oui, sur du Takaratomi, étant donné qu'il... Ah oui, il s'exporte pas en Occident. Oui, c'est ça, oui, oui, bien sûr. Il n'y a pas de raison de hâte d'entendre la VF où ça a parlé deux ans à la base de Zan. Ouais, c'est... Merci, mais non. Non, ils vont traduire, tu vois, genre comme Ten, ça veut dire ciel normalement. Ouais, hein, je parierai pas là-dessus, Storm, hein, parce que, exemple pour la VF, The Achilles, ils ont gardé The Achilles en français. The Achilles, dans la VF, le perso dit The Achilles, littéralement. Donc, pas sûr. Après, pour le coup, pour les VF, de ce que j'avais vu, ils ont pas mal de cahiers des charges à respecter, et forcément, ça peut créer des trucs ultra incohérents. Bah, Kéké, je vois pas en fait où ça dérange qu'on dise Z. À l'époque, on disait bien Storm Pegasus, on l'appelait pas genre Tornade Pegasus. Non, mais après, pour le coup... Oui, c'est vrai. Non, mais il y a aussi une différence entre le fait que Storm soit un mot anglais, et là, on parle de mots japonais. C'est vrai que le public occidental n'est pas encore habitué vraiment à les côtoyer, notamment en termes de prononciation. Bah, c'est juste ça. Z. C'est ça, bah oui, non, mais je pense qu'il parlait de Zan, Storm, pour le coup. Oui, là, pardon, je parle de Zan, Ten. Ah non, moi je parle de Z, là, vraiment, genre. Ah oui, on s'en fiche, réellement. Les Achilles, ça, on s'en bat les... Moi, ça m'a pas choqué. Hein. Ouais, bah après, c'est... encore une fois. Oui, il aurait pu dire Z Achilles, effectivement. Oui. Ah, pareil, j'ai toujours dit Z Achilles, moi aussi, donc. Bah, après, dans un sens, si on veut critiquer les prononciations, Léon n'aurait jamais dû s'appeler Léoné en VO de Metal Fight. Et pourtant, il y a le hurle toutes les saisons, donc voilà. Oui, c'est vrai. Donc voilà. Mais du coup, Zan, un poids avec deux poids sur les... oui, c'est très dur de parler de weight, de poids, enfin, on s'en mêle vite les pinceaux. On a deux petits poids qui sont sur les... putain, non, je viens de me rendre compte d'une blague que j'ai faite, c'est pas grave. Sur le côté droite et gauche, du coup, qui font où se base le centre de gravité, qui seront sur les extrémités, et du coup, on a une base un peu en forme de 8 avec deux petits poids sur les extrémités. Il me semble que c'était celui qu'il y avait sur le Random Booster 14, si je dis pas la main. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et du coup, voilà, on parlait de. C'était le poids de base, encore une fois, Zan, donc plutôt basique, une forme. Assez ovale des deux côtés, de poids, voilà. Quelque chose assez un peu passe-partout, quoi. Voilà, exactement. Du coup, on enchaîne sur la base Ace, qui, elle, est clairement typée attaque, et qui a, du coup, 4 lames, dont 2 basées sur les attaques upper, et 2 sur les attaques, entre guillemets, à grande puissance, donc pour envoyer valser votre adversaire le plus loin possible. Donc, pas basées sur les attaques de barrage, voilà. Donc on est sur du upper et de l'attaque à grande puissance sur Ace. Ça me fait penser un peu à la première Longinus, là où Ace, pour une rotation droite bien évidemment, mais... Ouais, un petit peu. Après, moi c'est vrai que, je trouve que, tu vois, comparé à une Valkyrie par exemple, alors après j'attends de voir les reliefs parce que c'est vrai que ça a l'air de monter et de descendre tout ça, mais je la trouve pas si prononcée attaque que ça, moi. Bah après, moi je trouve c'est surtout que dans la forme où quand tu le prends dans la sauce d'orientation, ça part du bas vers le haut. Après, il y a forcément l'inverse, notamment Twin Nemesis avec son mode smash qui part de haut en bas. Mais moi, tête gigachouin, j'aimerais qu'on en parle. Hein. Pourquoi? Mais gros, mais cette toupie du chétan, même toi tu l'as testé, Nemesis, on est en train d'en parler, gros. Ah. Oui, mais d'accord, mais c'est juste. Nemesis, c'est un chétan. Oui, c'est sa gimmick, c'est très bien, etc. C'est juste, j'ai fait une aparté, je vois pas pour vous arrêter dessus en fait. Ah, pardon, excuse. Non, mais ouais, du coup, pour le coup, moi, Ace, c'est pas plus prononcé que le corps slash, enfin que la base slash, faut que j'arrête de prononcer le mot corps. Parce que vraiment, slash, et comme toutes les itérations de Valkyrie qu'il y a eu avant. C'est vraiment une base ultra triangulaire avec 3 points d'attaque ultra gros, donc je pense que ça attaquera un peu moins que une Valkyrie, pour le coup. Oui. Mais je pense que ce sera déjà pas mal. Et par contre, pour le coup, les deux petites griffes bleues là, qu'il y a sur les côtés, je sais pas s'il y aura peut-être moyen, alors attention, hein, de faire un tout petit barrage, mais vraiment tout petit, hein, pour le coup. Gros, c'est un barrage ou nez, tu vois, c'est pas un vrai barrage là. Non, par contre, pour le coup, moi ça me fait penser un peu à Shelter Regulus. Ah oui, avec les griffes qui ressortiraient, ouais, je vois exact. Ce que tu viens. Ah oui. Mais c'est celle-là pour. Eh ben d'ailleurs, ça me fait penser. Je pense par contre que on peut dire adieu aux gimmicks sur ces layers-là, parce que, enfin, pour moi, les bases sont tellement fines qu'il n'y aurait pas la place de mettre certains gimmicks comme, bah, je sais pas moi, la morsure de Léopard par exemple. Je sais pas si c'est son vrai gimmick, enfin le vrai nom du gimmick. Ouais, bah, après on retrouvera toujours sans doute des gimmicks du style oh MDR, il y a du caoutchouc. Par exemple, c'est oui. Ça, ouais. Par exemple, oui. Ça c'est totalement possible, moi je suis d'accord. Bah, à voir, hein, mais pourquoi pas. Enfin après, bon, ça alourdirait encore le layer, mais pourquoi pas. Ouais. Mais du on n'en sait rien, pour l'instant on attend de voir. Hein. Bien sûr. Mais déjà là, bon, ça reste une rumeur, mais ça parle beaucoup d'une nouvelle faire finir encore là. Ah ouais, ça parle sur les réseaux sociaux, j'en entends. Bah, t'as vu, on a après, vu des images. Une nouvelle faire finir ou une nouvelle Spriggan qui est derrière les fagots, les gars. C'est Itoupi les plus prisés, donc ouais. Ouais, voilà. Mais du coup, par exemple, par contre, avec Ace, du coup, on nous vend deux autres bases qui sont Grand et Rock. Donc du coup, par contre, chose très amusante, c'est deux noms de Roots Fusion Metal Fight, pour le coup. Ouais. Donc ouais. C'est le premier truc que j'ai remarqué. Ah oui, exact. Grand c'est avec ça. Grand Cetus et Rock avec Rock. Ouais, voilà, Rock, exactement. Et pour le coup, moi, Grand me fait énormément penser à Dranzer. Oui, ouais, c'est vrai, c'est pensé. Oui. Mais du coup, ouais, voilà, et pour le coup, vous l'aurez deviné, on a eu une base de type attaque, du coup, on a une base de type endurance ou stamina, c'est comme vous voulez, pour Grand, qui est du coup une base ultra lisse avec juste deux petites lames et très peu de relief, donc bah, du coup, très clairement profilé pour l'endurance, je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça. Et qui devrait générer une très grande force centrifuge d'après la description officielle, parce que. Je sais pas si vous avez, il y a deux petits trous, donc je pense sur un petit jeu d'air avec tout ça. Ouais, il y a moyen. Et attends, et on pourra peut-être la mettre avec X-Pen, hein, on sait jamais, vu qu'on en parlait dans un des podcasts. X-Pen, ouais. Non mais en vrai, par contre, je le dis avec humour, mais il y aura peut-être moyen. Et du coup, on a eu Rock, donc qui elle est une roue de type une base pardon, de type défense. Décidément. Pour moi, je vois Wyvern. Hein. Là, oui, typiquement... ouais, par contre, ouais, clairement, moi, ça m'a fait aussi penser à une Wyvern. Ouais, Wyvern. Ouais, quoique, non, première Wyvern. Première Wyvern, la single layer. Bien, ouais. Mais ouais, toujours aussi qualitative d'ailleurs. Ouais, bah, elle fait. Pour moi, Wyvern fait clairement le taf en combo endurance-défense. Après, encore une fois, on peut faire des trucs de malade, mais je trouve que dans ces deux domaines, elle est plutôt pas mal, je trouve. Bien sûr. Mais du coup, ouais. Pour le coup, vu qu'il me semble que Wyvern a plus de 6 lames, il y a un plus gros écart. Oui, beaucoup plus. Ouais, voilà, il y a un plus gros écart en fait entre les lames. Et du coup, cette route type défense sera plus basée sur le fait de repousser son adversaire plutôt que d'encaisser les chocs avec une baie ultra lisse et ultra ronde comme tempo où elle prenait les coups et elle s'en foutait. Donc, encore une fois, on est sur une mécanique défensive, mais un peu, je dirais, mi-défensive, mi-offensive. C'est un peu comme, bah, du coup, force. Enfin, ça fait le lien, comme Rock Leon, je dirais. Après, je sais pas ce que vous en pensez, encore une fois, vous aussi. Non, bon, pour moi, c'est pareil, hein, je pense pareil. Bah, la tête de ma mère, déjà, quand j'ai vu Rock, j'étais en mode. J'ai pensé à Rock Leon, en fait. Y a pas de... je vais pas faire genre de Zarma, oui, j'ai pensé à Wyvern. C'est Rock. C'est pareil. J'ai pas pensé à ça, gros. J'ai vu Rock, j'ai fait Leon. C'est tout. Donc du coup, ça m'étonne pas que la gimmick ressemble entre guillemets, enfin genre tu sais que c'est un peu les mêmes similarités, tu vois. Oui, voilà, c'est ça que ce soit. Mais attends, question. Petite question. Yes. La refusion grande était de quel type chez MFV? Défense pour le coup. Défense, ah ok. C'était... non, parce que ça aurait été beaucoup drôle quand même là, très très drôle. Oui, que ce soit une route type endurance et une route de type défense et de franchement, j'aurais. Franchement, ça aurait été une belle référence pour le coup. Ouais. Mais par contre, du gros, c'est même plus une référence à ce stade-là, tu vois, vraiment mettre des panneaux. C'est ça. Mais par contre, pour le coup, vu qu'on sait qu'il y aura une nouvelle Pegasus qui va sortir, la question qu'on s'était posée la dernière fois sur le serveur, c'est que vu qu'il y a une base Rock, si, encore une fois, si les remasters MFB sont des gâchis, parce que s'ils font les remasters MFB, s'ils s'arrêtent pas à Pegasus, ce que j'espère, il y aura Rock Leon, soyons clairs. Comment ils vont nous faire nous pondre une base Rock en fait? C'est ça que je. Après, le truc, c'est que moi, je pense. Alors, c'est pas officiel, hein. Mais je pense que la Stamp Pegasus, ce sera un seul bloc. Tu pourras pas les séparer. Ouais. Genre, tu pourras juste mettre un disque et un driver, mais. Après, pour le coup. Après, je sais pas comment ça va s'arranger, mais. Ouais. On verra encore une fois. Mais en tout cas, si on parle d'un Gachinko système, je trouve ça étrange d'avoir deux base rock. Donc peut-être que ta théorie est vraie, que ce sera juste des layers. Peut-être qu'ils vont l'appeler Rock Dash. Tu vas faire Rock Dash. Non, mais mec. Attends, laisse finir. On a des disques Dash. Oui, d'accord, ouais, je vois. Et on a les drivers Dash. Donc, histoire de faire la différence, tu pourrais l'appeler Rock Dash. Ouais, juste pour dire que c'est pas pareil. Ouais, pourquoi pas. Ça... Ouais, mais on m'avait dit Sona ce matin, Metal Rock. Ou hier soir, je peux dire ça. Oui, bien sûr, ouais, on l'avait aussi. Ça peut pas être Rock Dash en fait. Mais ouais, après. C'est impossible. Pour le coup, parce que Dash est censé dire, c'est la même chose qu'avant, mais amélioré. Parce que pour le coup, je vois pas One Dash en fait. La ressemblance, du coup, il y aurait zéro amélioration, tu vois. Parce qu'en fait, pour le coup, quand je compare One et One Dash, en fait, One Dash a une concentration du poids bien plus élevée sur le bout de son épée. Donc, oui, en soi. Mais sur le design, c'est amélioré, plus ou moins. Ouais, aussi également. Mais après, pour le coup, c'est pas. Ouais, mais là, ça, la roue ressemblerait plus du tout à la même chose. Ouais, c'est vrai. Ça aurait rien à voir, etc. Donc je pense vraiment pas que ça s'appellerait Rock Dash. Et là ils vont l'appeler Dash Rock et je vais pleurer en fait. Mais après par contre pour le coup c'est vrai que ça semble assez compromis qu'on parle de Gachinko système. Parce que je pense pas qu'ils vont gérer le système de weight. Avec les MMA. Et on en a pas vu sur Pegasus pour l'instant. C'est ça. Mais il y a du métal sur la Pegasus. Ouais, mais c'est pas un super épais quoi en fait. Oui. Ouais. Il y a du métal, c'est pas une pièce en métal. C'est ça le truc. Bah. Du coup, ça voudrait dire en fait que, genre, la base intègre en elle-même, en gros, elle est fusionnée au weight. Exact. Ah ouais, je vois ce que tu veux. Ouais, bah, peut-être. C'est possible. Mais voilà, ouais. Après, faut voir, mais ouais, c'est. Encore une fois, à voir, ouais, voilà. Bah, du coup, on continue avec. Et mon dieu, merci, enfin, elle arrive en booster, la Slash Valkyrie. Enfin, on lâche un tout petit peu plus à chaque saison Valt, je trouve ça mieux personnellement parce que Valt ça va faire 4 saisons qu'on se bat. En fait, là je pensais qu'au début de Burst pour la saison 1 et 2 et un peu la 3, ils essayaient de garder le Quatuor, Kerbeus, Ragnarok, Valkyrie et Striggan. Et là je pensais en fait qu'ils allaient juste garder Valkyrie parce que c'était vraiment la première toupie. C'est ça, ouais. Et que les autres ils sont un peu délaissés quand même. C'est ça. Après, petit aparté sur la série, moi je trouve quand même que ça fait plaisir d'avoir une petite évolution dans les personnages et de pas rester sur les mêmes tout le temps, quoi. Donc voilà. Je sais qu'il y en a qui vont pas aimer parce que personnage, mais honnêtement, même moi qui adore l'animé, lâcher dans ce personnage. Ça va lâcher des grands Ouéchou dans les commentaires. Ah bah ouais, ça par contre on va y avoir le droit. Mais voilà. Ouéchou, lui Ouéfri, mais peut-être garder Valt ou Aiga, mais lâcher les autres parce que c'était lourd. C'est vraiment après, lourd. L'avantage, c'est genre quand Chou va revenir, ça permettra à des gens de faire des vidéos Chou de retour. Ouais, comme la dernière quoi. D'un autre côté, j'ai envie de dire pourquoi pas non plus justement éloigner ces anciens personnages, justement les faire vieillir de leur côté, tu vois, enfin leur faire faire un parcours. Les faire mourir d'un arrêt cardiaque. Yes. Par exemple. Non, mais par contre, pour le coup, encore écrasé par un bus. Oui. Hashtag Benkei. Mais non, mais en fait, tu vois, par exemple, justement, un personnage. On en a vu des personnages dans un Metal Fight comme ça. Un peu comme Zero G, quoi. Ouais, voilà, qui se sont éloignés, mais quand ils reviennent, tout de suite, il y a un impact, tu vois. C'est l'épisode de oh là là, il est là, et ça crée de la hype. Un côté un peu mentor, quoi. Ouais, c'est ça. Je sais plus comment il s'appelle, ce personnage de la Metal Fight qui était devenu président de l'association de Beyblade au final. Phoenix, Ryo. Ah non, Tsubasa, tu parles de Tsubasa. Tsubasa, voilà, ah, voilà, Tsubasa. Exactement. Tsubasa est devenu président de la WBA dans Zero G, ouais, ok. Si, ouais, voilà, et je me dis pourquoi pas, tu vois, ça lui a donné un autre rôle. Oui, bien sûr. Ander, tu vois, il était beaucoup plus. Mais ils l'ont fait dans Chezer, quoi. Mais c'est pas ce qu'ils ont fait avec Chou. Non, ils l'ont fait avec Christina Kuroda, qui est passée du coup de. Si, mais attends, le truc, la différence entre Chezed et Shaman Steel, c'est que Shaman Steel. C'est passé 7 ans après. C'est ça, là, on était sur 2 ans. Là, Chezed, t'en as que 2. 2 ans, c'était rien quasiment. Les persos ont un peu évolué, mais sans plus. Mais pas surtout, autant que dans Mais surtout, il me semble que dans la série, on est à même pas quelques jours de différence avec les événements qui sont passés dans Chezed, pour le coup. Donc, je sais pas. Ah pour GT? Ouais. Ah, on ouais, sait je, pas. Je, ouais. Bah, en vrai, je crois, ouais. Il y a moyen, hein. Mais par contre, tu me diras, Val, t'as pas changé. Par contre, pour le coup, moi, ce qui m'intéresserait vraiment, c'est qu'en fait, on lâche les anciens personnages parce qu'en fait, on se dirige vers un autre objectif, en fait. Genre, je sais pas, aussi, ouais. Une sorte de quête annexe, etc. Parce que là, ça nous fait 3 saisons c'est, où ouais. on sert du ouais je veux devenir le champion du monde. C'est chiant. C'est, ouais, c'est, je trouve ça redondant à force. Mais ouais, encore une fois, on va éviter de parler sur l'animé parce que sinon on va avoir une vidéo de, ouais, de 10 jours. Ça fait terrible. Donc voilà. Déjà, ça fait un peu plus de 40 minutes, je crois, qu'on tourne. On va voir ça. 44 minutes pour le coup, ouais. Ok, voilà. Bon, on avance. Donc, on va peut-être se dépêcher un peu. Les gars, on en reparlera, tu l'incluras peut-être pas là-dedans, mais là, vous voyez, dans le staff, je viens de vous envoyer une photo de la Storm Pegasus. Ouais. Désolé, regardez bien la délimitation de. Oui, c'est coupé, il y a du métal et du plastique. Oui. Non, non, même pas tant ça. Regarde bien la partie, la délimitation. En fait, donc, il y a le boulon. Mm-hmm. Et après, autour, il y a une autre zone. Franchement, moi, je vois un gaching. Oui, oui, bah peut-être, ouais, c'est possible. Je sais pas. Ah, peut-être. On verra. Ah, bah ouais, hein. Mais par contre, enfin, moi, regardez bien la forme sur la gauche, ça fait vraiment la même virage. Ouais, je suis d'accord. Parce que pour le coup, en fait, les deux encoches étaient censées avoir des trous pour mettre l'écran du lanceur dedans. Et ils y sont plus. Ils les ont allongés, en fait, j'ai l'impression. Donc c'est... Ouais, c'est exact, fort possible. Exact. C'est fort possible. Mmh. Et mais... alors, par contre, encore une fois, là, on est en train de zoomer sur une putain d'image, alors qu'on aura peut-être les réponses dans 2-3 semaines. Mais regardez, entre la roue de fusion, enfin l'équivalent de la roue de fusion et l'anneau d'énergie, j'ai l'impression de voir des espèces de petits losanges de Gachinko, pour le coup. Oula. Je sais, peut-être ouais. Après, faut voir. Ouais, ouais, c'est... On verra, ouais. Là, frère, avant, je vois pas du tout. Ouais, bah. On va voir la petite vidéo en fait, c'est bon. Ouais, ouais, je pense que ce sera le mieux. Mais par contre, pour le coup, la partie grise tout en dessous, je pense que c'est Glaive, pour le coup. Oui, elle est confirmée avec le disque. Ouais, Titan Glaive et un nouveau driver. Ah, donc c'est ça, c'est qu'ils lui ont mis un Glaive, un frame de couleur grise. C'est ça, voilà, exactement. C'est ça. Et le driver, c'est Quick Dash, mais Quick, on n'en sait rien de ce que c'est pour l'instant. Voilà, c'est ça. Enfin, QC Dash. Oui, voilà, QC ouais. QC Dash. On peut penser que ce sera Quick selon l'abréviation, mais c'est pas sûr. Voilà. Quick ou Quake ouais. Quick. Non, Quick. Parce que Quake, on l'a déjà vu. Ouais. Comme le fast-food, gros. Ouais, ouais, voilà. Oui, d'accord, ça. Ok. Non, mais comme c'est pour rapide. Ça, je me suis dit, peut-être qu'il pense mal. Oui, oui, Non, parce que Quake avait des avantages aussi, mais je le vois pas sur Storm Pegasus. Je le verrais plus sur un équivalent de Capricorne, personnellement, Quake. Voilà, yes. On est d'accord. Yes. Voilà. Mais la jette de pique qui saute dans Chosen Demon. Ouais, c'était pas au même niveau, on va dire. Ah ouais, non, mais Capricorne, frère, en fait, tu te mettais au-dessus du stadium debout, tu te la prenais quand même dans les... Oui, c'est ça, ouais. Mais du coup, par contre... Et on dit au revoir au Chico, bonne journée. Bon, Valkyrie, Coachy ouais, Valkyrie. Ouais, Valkyrie. Du coup, par contre, Gachinko type de Valkyrie, pas plus intéressant parce que forcément Ace Dragon était la base, donc fallait bien un équivalent pour comparer aux autres. Son Gachinko type, du coup, a deux dents vachement plus larges que ce qu'on avait sur Dragon. Oui, que les dents classiques, quoi. Et du coup, je pense que c'est dû... c'est dû à la forme de la base, mais non, en fait, pas du tout, ça n'a plus rien à voir. Du coup, ils ont permis vraiment de jouer avec ça. Et ouais, je trouve ça vraiment intéressant. Je pense que, pour le coup, ces dents seront assez utiles pour les gros impacts, que ce soit en défense ou en attaque, pour le coup, parce que ça va être ultra résistant, je pense, ce genre de choses. Sur un seul point, je pense. Parce qu'une fois qu'on sera sur la partie plate, ça va glisser. Donc... Ouais, par contre, juste une remarque que tu fais sur Sage Valkyrie, un truc que j'aime beaucoup sur le design de l'ensemble Gachinko Chip et base, c'est qu'elle ressemble beaucoup à la toupie précédente, donc Chosen Valkyrie. Ouais, du coup, ça permet de pas avoir un trop grand choc d'évolution entre les deux, quoi. Ouais, parce qu'ils ont à chaque fois adapté un petit peu pour que ça ressemble à la précédente. Déjà, Chosen Valkyrie, c'est l'assemblage de toutes les Valkyries, et là, on a une nouvelle toupie qui ressemble encore à Chosen Valkyrie. C'est cool quand même. Ça garde une certaine ligne de design qui est plutôt appréciable. Ouais, une cohérence qui fait que tu passes pas de... par exemple, pour le coup, même si j'aime beaucoup les designs de Metal Fight, et même si c'est justifié entre guillemets par l'animé, Storm et Galaxy Pegasus, niveau design, étaient complètement différents. Voilà. Ouais, rien à voir. Si on prend cet exemple-là. Mais du coup, ouais, voilà, encore une fois, Gachinko Chip, super intéressant, je trouve. Et mais voilà, après encore une fois, on peut pas dire grand chose étant donné que c'est une partie d'encore une fois une partie de la toupie. Je sais pas si je me fais bien comprendre. En fait, on fragmente de plus en plus. Ouais, à la base, Burst, on est parti avec 3 pièces. Hein. C'est ça, voilà. Et là, on arrive vraiment à. Bah du coup maintenant on a 1, 2, 3, tu peux même compter 4, 5 si tu restes sur un corps disque. Voilà, ouais. Et 6 avec le driver, donc voilà, tu peux avoir jusqu'à 6 pièces sur ta baie, on a doublé le nombre de pièces présentes sur les baies. C'est une grosse évolution. Ouais, pour le coup, ouais. Mais du coup, ouais, Retsu, donc, ou Letsu, si on veut vraiment le prononcer à la japonaise, mais j'ai un accent de merde. qui, du coup, moi je pense vraiment que ça va être un poids assez déséquilibré parce que, visiblement, ça se voit qu'en fait, on a deux poids sur les extrémités et un poids au milieu sur l'autre. Et du coup, bah, je pense typiquement orienté pour l'attaque. Ah, bah, large. Bah, oui, là. Et du coup, bah forcément cohérent avec l'abeille. Mais du coup, ouais, par contre, comme tu disais, Storm, pour comparer Ace Dragon à Slash Valkyrie, je trouve Slash Valkyrie bien plus agressif. Et par contre, là, c'est sûr. Ouais, par contre, je viens de capter qu'on a complètement skippé Sting et Charge. Pour le coup, on. Oh merde, oui. Oui, non, on est passé direct sur les bases, puis après on arrive sur Valkyrie. Mais merde, bon, allez, on va essayer de reprendre. Du coup, Sting. T'as une base de ressort qui a des pointes sur les côtés. C'est ça, et qui agit comme God Valkyrie, mais il me semble sur les deux côtés cette fois, sur les deux sens de rotation. Deux ou quatre, je sais plus. Non mais genre je veux dire, quand tu la frappes, que tu sois en rotation gauche ou droite, le ressort agit. Ah oui, oui. C'est ça, contrairement à God Valkyrie qui lui agissait que face à une rotation droite, quoi, en fait. C'est ça. Bah du coup, après, moi je trouve ça intéressant, certes, sur le papier, mais je me demande en fait s'il y aura des layers qui vont se prendre dedans, en fait. Tout simplement. C'est ça, ouais, parce que c'est... Je sais pas. Ouais, on verra. Mais peut-être que ça aura pour effet, justement, peut-être d'agir sur d'autres disques. Ah, possiblement. C'est possible, parce que c'est vrai qu'ils partent un peu sur les extrémités, ils sont assez larges, ces disques-là, donc à voir. Mais par contre aussi, il me semble que Sting aussi est très lourd, il avoisine dans les 27 grammes, je crois. 29, pardon. Donc pas négligeable. Ouais, c'est sûr. Et du coup, par contre, encore une fois, un driver qui est lui aussi assez lourd, charge, qui est du coup concrètement une pointe plate avec une base ultra large et du métal tout autour. Du coup, alors par contre, je sais pas si ça a été conçu pour que le métal en fait touche le stadium et agrippe. On sait pas trop pour l'instant. Ouais, on sait pas trop, mais en tout cas, ça rajoutera du poids. Ça c'est sûr. Voilà. Mais je trouve que c'est pas dénué de sens, que quand tu regardes du coup le fait que le disque soit quand même assez lourd et que le driver l'est également, on est quand même sur. Enfin, quand on voit le principe des ressorts, je l'avais expliqué sur God Valkyrie, justement, le problème du ressort, c'est que quand tu utilises cet effet-là sur une toupie plus lourde que toi, c'est toi qui voles. Ouais. Et donc là, ils ont peut-être corrigé ça sur le combo stock, en tout cas en disant je fais une toupie qui a le gimmick des ressorts, mais elle est bien lourde, comme ça, il y a très peu de chances que ce soit elle qui vole en cas d'impact. C'est ça, ouais. Ouais, je vois le truc. Mais ouais, en tout cas, moi je trouve ça cool de retrouver un driver par contre qui a une pointe plate en plastique, simple, avec un diamètre pas. C'était pas. Ni gros ni assez. C'était pas Axel qui faisait ça ? Si, c'est Axel, la toute première pointe qu'on a eu. C'est Axel, c'est ça. Hmm, c'est une Axel avec une base large et du métal. Donc ouais, franchement, ça fait plaisir. Quand on voit que Charge du coup reprend un peu les gimmicks de l'ancienne version et du coup qu'on redémarre avec un DX starter, j'ai l'impression vraiment de voir pas un reboot mais un truc qui ressemblerait pour le coup pour Gachi, donc un retour aux sources. C'est ça, ouais, voilà. Et du coup on redémarre avec plus ou moins les bases d'une série, voilà. Du coup voilà, on a dit nos mots sur Sting et Charge, voilà. Du coup on peut repartir sur Slash qui du coup forcément reprend la structure qui est Valkyrie, quoi. C'est ça, et qui est né avec Victory Valkyrie, si je ne m'abuse. Tout à fait. La première aussi, la forme n'était pas pareille, mais il y avait le système des trois lames. Ouais, c'est ça, il y avait le système triangulaire qui était comme ça, ouais. C'est ça, c'était pas vraiment des lames, c'était une sorte de rectangle un peu, enfin c'était pas aussi pointu. Qu'à partir de Victory Valkyrie, et surtout elles n'étaient pas autant relevées. Oui, voilà. Il y avait ce système aérodynamique et donc de potentiel smash sur l'autre. Ouais, puis aussi, c'était moins accentué sur passer dessous le layer pour l'éjecter. C'était vraiment avec un gros impact. Donc on reprend la même forme. Par contre, j'ai l'impression aussi que les trous dans les trois lames vont avoir peut-être un agissement sur l'aérodynamisme, encore une fois à voir, mais comme dame, quoi. Après je trouve ça peut être intéressant, Déjà, ça fait plaisir de pas avoir une base qui ressemble juste à Victory Valkyrie. Déjà. Oui. Non, voilà, c'est et vraiment... puis même, il y a les parties dorées là que l'on voit autour qui peuvent être intéressantes, hein, mine de rien, parce que ça fait quand même pas mal de petites lames. Donc, on peut essayer de chercher un certain déséquilibre dans la baie adverse. Un gros tatane avec la grosse lame qui arrive derrière, je dis pourquoi pas. Ouais. C'est... Bah, encore une fois, Valkyrie, c'est une remarque que je me fais à chaque fois. C'est du classique, mais ça marche tout le temps. Donc. Moi, j'approuve. C'est ça. Voilà. Du coup, on passe à. Et Lucie approuverait certainement aussi. Oui, c'est vrai, grande fan de Valkyrie de ce que j'en ai entendu. Ah, mais elle a clairement dit qu'elle adorait Slash. Donc. Bah oui, c'est pas étonnant, mais moi, enfin, c'est pas étonnant. Je veux dire, elle est belle, elle a. Oui. Voilà. Très jolie. Ouais. Qui ne l'aimerait pas. Mais du coup, Blitz, le nouveau disque de Slash Valkyrie, qui pour le coup me fait beaucoup penser à Magnum. Moi aussi, et il me fait aussi penser à comment il s'appelle, ce fils de pute de Driver. Bon, bref, le driver de Horosud là. C'est Edge. C'est Edge. Oui, Edge. C'est ça, ouais. Voilà, ça fait aussi penser à la danseuse. L'axe de rotation de Sagittario, je sais plus laquelle. C'est fou. Oui, de Flamme. Flamme Sagittario, ouais. Avec les griffes tout autour. Ouais, bah oui, c'est ça. Mais oui. C'est ça, oui, parce qu'on a toujours ce système en fait de force centrifuge qui fait s'élever les trois petites lames. Littéralement sur la description officielle, c'est de frapper l'adversaire avec. Et je trouve aussi que quand on sera en baisse de rotation, vu que les lames s'abaisseront, on aura une meilleure stabilité. Du coup, les attaques iront plus vers le centre. En théorie, hein, encore une fois. Les gars, pardon, on a dit une bêtise. C'est Edge, c'était celle avec les volets. Là, on est sur. Excusez-moi. Sur Klo, tu veux dire. Oui. C'est Klo, ouais. C'est celle de Oli Orosud avait Edge, mais Oli Orosud à Klo. Qu'on avait d'abord vu sur Trident. Trident et Klo. Exactement, ouais, voilà. C'est exact, ça. Exact. Ok, ouais, je vois. Ouais, parce que justement, en fait, on m'avait dit Orosud, du coup, j'avais pensé Edge, mais c'est vrai que la deuxième version, du coup, Oli Orosud avait ce système de griffes aussi qui s'élevait. Mais par contre, elle était totalement indépendante aussi sur les côtés, il me semble. Oui, c'était des anneaux en fait, c'était comme des petits kunai accrochés ça, à des voilà, anneaux. Et accrochés à des anneaux. Alors que là, pour le coup, vraiment, ça s'élève. Donc. Voilà. Oui, sauf que du coup, ça ressemble encore moins à. Comment il s'appelle au truc de Flamme Sagittario, parce que oui, Flamme Sagittario, c'était replié sur le Teco. C'était uniquement. Du coup, sur en fait, côté. C'est un mix entre les deux. C'est ça, ouais, voilà. Mais par contre, du coup, différence avec Magnum. C'est que pour le coup, là les trois parties en plastique sont sur trois parties. Magnum aussi était sur trois parties, mais il y avait une grosse partie qui était beaucoup plus prononcée. Mais c'était plus large. C'est ça, voilà. Alors que là, vraiment, ça a l'air d'être égal de toutes parts. Et du coup, bah forcément, cohérent avec le système, avec le côté triangulaire de Valkyrie, les trois lames qui ont une répartition de l'attaque régulière. Donc J'ai jamais été autant hypé par une Valkyrie, hein, je tiens à le dire. Pareil, elle arrive chez moi là. Après, c'est pas comparable, mais après, c'est parce que c'était la première que j'avais commandée. Victory Valkyrie à l'époque m'avait aussi bien fait kiffer pour le coup. Mais c'est vrai que c'est. Faut dire qu'il y avait énormément de mystères autour de son driver. Ouais, l'époque. C'est vrai que son driver variable, pour le coup, beaucoup de monde s'était dit, mais c'est un défaut de fabrication ou quoi que ce soit, mais non, c'était volontaire pour le coup. Il a fallu plusieurs mois avant que les joueurs commencent à dire, les gars, en fait. Et au final, qui est plus performante une fois que tu. Ouais, une fois que t'as vu le driver, ouais, bah oui. Enfin, plus performante, ça dépend parce que. Alors oui. Tu perds en contrôle forcément. Mais tu perds en contrôle. Bah en fait, ça nécessite de s'entraîner beaucoup plus avec pour le maîtriser. Par contre, voilà, dans les deux cas où c'est bien maîtrisé, je trouve que la version finale est forcément un tape plus dur. Ouais, bien sûr. Mais après, le truc, c'est que je pense que c'est surtout ce qu'ils ont voulu faire avec le driver. C'est tu commences avec le driver qui t'aide littéralement à faire des rush shoots et à bien viser ta toupie. Et en fonction que toi t'évolues dans ta technique, dans ta précision, et le driver évolue aussi en étant de moins en moins maîtrisable, quoi, du coup. Mais c'est ce qui dans l'anime, c'est ce qui se passe. Hein. C'est le même. Ouais, même c'est ça, c'est exactement ce qui se passe parce dans l'anime. Quand la Valkyrie va commencer à évoluer, il galère à la maîtriser. Et il a fallu attendre la fin de la saison pour qu'il la maîtrise enfin. C'est ça, ouais, voilà, exactement. Mais et du coup, en parlant de driver, justement, le driver Power, du coup, nouveau driver de Valkyrie, qui est une pointe... C'est le ressort, celui-là. Ouais, il sur-ressort, ouais, exactement. Le sur-ressort. C'est ça. Et qui, du coup, est une pointe étoilée qui me fait plus penser à la pointe qu'on avait sur Destroy, que ah, oui. La pointe Jagi, ouais, ça me fait penser à ça, et qui du coup est monté sur ressort comme Nothing, du coup qui va pouvoir s'abaisser et remonter de manière normale. Et amortir les chocs quand tu la lances. C'est ça. Oui, yes. Ça c'est bien. Après, ça c'est pas négligeable, parce que les rebonds, mine de rien, ça fait des dégâts sur l'endurance. Ouais, et ouais. Par contre, pour le coup, je pense aussi que ce sera utilisé comme dans l'animé, dans d'autres proportions évidemment. Comme le Nothing Break qu'il y avait, où il y aurait la partie... L'Absorb Break. Et l'Absorb Break, ouais, voilà. Où tu aurais la partie plate qui frotterait avec le stadium et ça permettrait de faire des petites accélérations en début de combat. Je pense qu'il y aurait comme FD, en fait. Mm-hmm. Enfin, c'est pas comparable, mais un peu comme FD pour Big Bang TK6, il me semble. Ouais, sauf que Big Bang TK6 était obligé d'attendre que... Reboot, ouais, c'est plus reboot, exactement. Mais oui, c'est ça, avec la pointe qui s'abaisserait, qui toucherait une partie plus large du driver. Ouais. Après, je pense que ça se ferait beaucoup plus qu'avec Nothing, pour la simple unique raison, c'est que le layer de Valkyrie, genre, s'il passe en dessous d'une toupie, elle va forcément s'abaisser elle-même de quelques millimètres, vu que c'est monté sous ressort, et donc du coup, elle va accélérer une fois qu'elle touchera le stadium. Mm-hmm. Ouais, ouais. Donc du coup, ça se fera beaucoup plus souvent que Nothing, puisque Fafnir était vraiment lisse, sa mère la pute, hein, on peut pas faire mieux. Ouais. Ce qui est intéressant du coup, c'est vrai que si on arrive à bien la lancer, cette baie, si on calcule bien son angle et qu'on arrive sous la toupie adverse, effectivement ça va coller et on va lui mettre un pruneau qui est pas négligeable pour la suite du combat quoi. Ça peut être vraiment une action qui va être décisive et qui va être, nécessaire. Enfin voilà, c'est là où on va voir le skill du joueur quoi, vraiment le talent du blader va faire une grosse différence. L'adresse du blader, ouais. Mais du coup par contre aussi chose qui est cohérente, c'est le fait que vu que le layer de Slash Valkyrie est un layer qui est accentué sur le upper, donc passer dessous le layer adverse, et bah c'est encore plus cohérent vu qu'on peut s'abaisser avec le ressort, on va pouvoir vraiment taper. C'est ce que j'ai dit, putain. Je l'avais pas compris comme ça alors. Je l'avais pas compris comme ça. Il l'a dit en effet. Désolé. Gros, je l'ai dit en mode, quand t'arrives sur l'abeille, vu que le but c'est de passer en dessous, tu t'abaisses toi-même de quelques millimètres. Donc ouais, du coup, ok, je l'avais pas compris comme ça, désolé. mais au moins, ça montre qu'on a des points de vue qui sont plus ou moins cohérents, voilà. C'est similaire, ouais, voilà, exactement. Du coup, on passe à Ashura. Quelle beauté. Ah, mon bébé. Désolé. Ah, on est d'accord, Playmaker. Elle est magnifique. La fameuse Ashura, du coup, de couleur verte, comme le type défense. Donc, vous aurez... Et moi, la tête de Maras, que je l'aime pas tant que ça. Mais on s'en fout, c'est une toupie de type défense. Elle est à moi, je te laisse même pas choisir. La défense vaincra, les gars, la défense vaincra. Non, mais c'est vrai que, du coup, toupie de type défense, qui représente très bien son type, je trouve, pour le coup. Totalement. Parce que autant de que la belle attaque de barrage comme je les aime. Ouais, surtout au niveau du layer ou du coup, enfin au niveau de la base du layer forcément. Ouais, c'est, j'ai encore du mal à m'habituer. On va tous être dans ce cas-là. C'est ça. Aussi au niveau du driver, du disque, ouais, franchement, elle est vraiment optimisée pour la défense celle-là, donc vraiment très intéressante. Après, je trouve qu'il y a quand même des choses intéressantes. Notamment dans le driver, on en parlera en temps venu, mais il y a encore une fois des petites révolutions, c'est pas uniquement axé sur la défense, donc je trouve ça cool. Oui, elle a ses avantages propres en fait, voilà, qui dit voilà, de type défense, je fais globalement le même taf, je vais être joué à peu près de manière similaire, mais j'ai ce petit truc en plus, cette petite chose que les adversaires vont devoir prendre en compte. Ouais, c'est ça. Donc franchement, moi c'est ce que j'aime vraiment dans Beyblade, c'est vraiment la nuance en fait. C'est de se dire, ouais, ça marche à peu près comme ça, mais dans certains cas, tu peux retourner le combat pour un tout petit détail. Et du coup, forcément, de petit détail en petit détail, tu viens en faire des stratégies où tu te dis, ah ouais, mais en fait, même si cette pièce elle est similaire à celle-là, tu peux l'utiliser dans telles conditions alors que celle-là non, etc. Donc, c'est un peu de l'effet papillon. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ce truc, voilà, un truc plus un truc plus un truc qui va jouer la win du match ou non, quoi. Après, moi, il me tarde quand même de voir son putain de disque sur Wyvern. Pareil, sur Tornado Wyvern. Voilà, on s'est tous fait la même réflexion, on va tous Tornado Wyvern tellement. Mais parce que pour le coup, en fait, moi ce que ça va être un mixeur le truc. Parce que moi, pour le coup, je me suis dit en fait à l'époque où il y avait 10 frames, je me suis dit putain mais c'est con, ils auraient pu nous faire des frames indépendantes du disque. Ça aurait été assez difficile à faire, mais ça aurait pu être un système intéressant. Et du coup, bah là, c'est plus ou moins ce qu'ils ont fait. Voilà, ils ont fait un système de lame indépendante qui tourne autour du disque en métal. Mais voilà. Du double coup, Tsuna, si tu veux être vicieux, tu rajoutes. Alors là, ce serait peut-être pas forcément très utile parce qu'on est sur un bearing d'endurance. Non, ça. Alors pas bearing, mais j'avais pensé à mettre flugel. Reste dans le délire des lames. On met flugel dessus. Oui, ça marche aussi. Oui, j'avoue. Là, frère, tu mets un bébé dans l'arène, y a plus de bébé. T'as un souci. Non mais ou alors je pensais aussi à Sickle qui lui aussi a une partie indépendante qui tourne. Exact. Oui, c'est ça. Gros, tu lances ça, la toupie elle s'envole, tu la vois plus jamais. C'est frère. Ça ouais, c'est juste une toute petite partie fixe qui tourne. J'ai hâte de voir le bruit de la toupie quand elle va rentrer ouais, en contact. Ça par contre ouais, pour le coup c'est vrai que je pense que le disque indépendant fera pas mal de bruit vu qu'il y aura du jeu je pense. Donc ouais. Mais du coup, par contre, ouais, chose que je trouve super intéressante sur son Gachinko Chip, donc Gachinko Chip Asura, c'est qu'en fait, on a des dents qui sont décalées les unes aux autres. Donc les dents de gauche et de droite ne sont pas au même niveau. Et du coup, quand on visse et dévisse la toupie, ça nous donne l'impression, entre guillemets, d'avoir 7 clics, en fait. Et, ouais, ça fait clic, à chaque fois. C'est ça, ça... Ouais, moi, je trouve ça super intéressant, en fait, surtout sur une baie de type défense. En fait, si vous voulez, genre les dents qui sont à droite, elles sont calées genre sur les zones 1, 3, 5 et 6. Et sur l'autre côté, elles sont calées sur les zones 2, 4 et... Bon, vous m'avez compris quoi. En gros, ouais, c'est 1 sur 2, mais de chaque côté. Voilà, c'est le mot que je cherchais, frérot. Mais du coup, voilà, sur une baie de type défense qui en plus est axée sur le barrage, donc qui a plusieurs petites irrégularités et qui est pas totalement lisse, je trouve ça intéressant qu'en fait, quand tu te prennes des coups, en fait, ça fasse bouger juste un tout petit cran. Alors oui, on a vu bien sûr des baies burster les trois crans d'un coup après un gros coup, mais je trouve ça intéressant, moi, d'avoir, entre guillemets, 7 crans sur la Gachinko Chip, donc voilà. Wait. Du coup, toujours à la japonaise, même si c'est. C'est là-dessus, c'est parce qu'elle a la forme de X, le chiffre japonais, chiffre romain, 10, 10. Ah oui, peut-être, oui. Ouais, possible. Enfin, je sais pas pourquoi, moi, perso. Ouais, c'est vrai que ça ressemble à X, et du coup, par extension, au chiffre romain. Mais ouais, pour le coup, en fait, 10. Qui est chose très intéressante, on concentre vraiment le poids sur les 4 parties du layer. À l'extérieur, ouais. C'est ça, et on n'a pas les. La défense à l'état pur. C'est ça, et on n'a pas les petites lames qui viennent lier le tout. Et du coup, vraiment, c'est de la concentration du poids, et c'est pas forcément dans l'équilibre comme on cherchait avec Zan. Donc, ouais, encore une fois, bah, comme l'a dit Storm, on parle d'un type défense. Voilà, clairement. Du coup, la base Bushin qui a 12 lames, dont 6 épées dorées qui sont toutes arrondies et qui, du coup, sont là pour absorber les chocs. Du coup, ça fait un jeu d'un peu lisse, arrondi, assez intéressant. Il me semble, ouais, c'est ça, ouais, on était sur le même nombre de lames pour Emperor Farnéus, sauf qu'elles étaient toutes régulières de la même manière en fait. Bah, régulières en forme de vague sur les côtés quand tu regardes bien. Pour faire référence au voilà, c'est ça. C'est ça, rapport à la mer. C'est ça, ouais. Mais après, je pense que aussi niveau aérodynamisme, ça doit influer le fait que ça soit en forme de vague. Mais ouais. Là, par contre, pour le coup, j'ai pas beaucoup vu de vidéos de Bushin, mais il me semble qu'elle est régulière de partout. C'est pas grave, Tsuna va nous en faire. C'est vrai. C'est absolument vrai. Mais du coup. Ouais. Moi, clairement, type défense, du coup, encore une fois, il n'y a pas à chier là-dessus. Hein. Et keep le driver aussi. Ouais, bah... Juste un petit peu qu'on revienne sur Hurricane, je pense que ça confirme aussi, il est un peu là aussi peut-être pour nous confirmer, je ne fais que des hypothèses, que les disques vont rentrer en contact. Parce que du coup, justement, ce type de. Oui, c'est de ce type, ce type de gimmick est hyper intéressant sur les chocs. C'est-à-dire que l'autre va arriver et dire oh, je vais venir te chercher avec mon disque. Et Hurricane va lui faire un gros non. Voilà, mais tout voilà, simplement. Tu glisses et tu dégages de l'autre côté. C'est ça, ouais. Donc, Et ça serait peut-être pas mal de le tester du coup. Parce que c'est vrai que par exemple, jouer Tornado Wyvern en endurance, c'était quand même Enfin, c'était faisable, mais c'était quand même très axé défense. Alors que là, on parle ici d'un disque. Donc, vous combinez ça avec un super layer de type endurance. Et je pense qu'on peut obtenir aussi quelque chose de très intéressant. Bah, par contre, ouais, pour le coup, Hurricane, avec la gueule qu'il a. Alors, même s'il y a les systèmes défensifs de tu touches, tu glisses, du coup, ça permet d'enlever les dégâts de la baie adverse. Je trouve vraiment que pour le coup, il a une gueule de type endurance. Mais après, il y a peut-être aussi les 16 lames qui me semblent. Enfin, ça ressemble un peu à Bump, je trouve, dans la forme. Après, peut-être que, ouais, comment tourne les lames, ça va peut-être générer une force centrifuge particulière ou je ne sais quoi. Mais ouais, pour le coup, Hurricane, je pense qu'il sera à mi-chemin entre la défense et l'endurance. Ah oui, vraiment, je pense qu'on va. Faut s'attendre à le voir être joué sur les deux archétypes. C'est ça, ouais, voilà. Après, forcément, encore une fois, il n'y a pas la défense d'un côté et l'endurance de l'autre. On peut faire un entre-deux. Donc, par contre, là où je trouve que ce disque, il va être très sympa, c'est du coup en rotation gauche. Parce que du coup, les lames vont tourner dans l'autre sens. Des lames, comment elles vont tourner, etc. Et donc, du coup, ça va les mettre en position plus lisse, en fait. Ça va mieux glisser dessus et beaucoup moins accrocher. Je vois. Bah ouais, ça pourrait être très intéressant. Du coup, en fait, je trouve ça intéressant dans le sens de voir comment va réagir en fait la toupie adverse, tu vois. Mmh. Bah, surtout, ouais. Et d'autant plus dans ce sens-là, d'un point de vue aérodynamique, le fait que ça arrive dans le sens lisse, c'est vrai que ça peut amener justement toute la. Enfin, tirer un peu la force centrifuge vers le centre. C'est ça, ouais, voilà. Et du coup, pour le coup, on aurait deux manières de le jouer, en rotation gauche et en rotation droite, et du coup, les performances varieraient selon le sens de rotation qu'on ait choisi. Ouais, c'est vrai que c'est assez intéressant pour ce coup. D'ailleurs, dans les toupies dont on vient de parler, donc on est d'accord, mon Valkyrie sera une rotation droite. Mm-hmm. Par contre, pour Ace... Ace, c'est une rotation droite. Une rotation droite aussi, d'accord. Ça, je ne le savais pas et je voulais avoir... C'est ça, ouais, bah... Tant pas de gâchis, rotation gauche, quoi. Après, c'est vrai qu'on a eu beaucoup l'habitude d'avoir très souvent, même s'il y a eu des exceptions, des bays orientés dragon en rotation gauche. Et, mais là, pour le coup, Ace est une rotation droite. Après, du coup, si les rumeurs de Fafnir se confirment en Gachi, bah, on aura notre rotation gauche. Oui, oui, bien sûr. C'est ça. Après, du coup, le driver Keep, qui est un driver avec une pointe en caoutchouc qui peut tourner sur 360 degrés, donc comme l'anneau indépendant de Wyvern, donc, sauf sur toute la pointe. Donc, du coup, c'est. Je trouve que c'est assez intéressant, enfin, plus intéressant que d'avoir une pointe totalement indépendante en fait. Parce que là, on a plus l'aspect friction qui ressort. Ouais, c'est là où je comprends pas. C'est parce que c'est très intéressant l'adhérence pour une toupie type défense, parce que du coup, elle va être très très dure à faire bouger. Ouais. Par contre, niveau endurance, et même elle risque pas. Enfin, avec du caoutchouc, elle risque quand même d'avoir un certain mouvement. Ah oui, non mais on a eu. Ça, je l'ai vu sur des vidéos. Par contre, Bushin Ashura, ouais, tourne beaucoup autour du centre avant de le rejoindre, pour le coup. C'est vrai. Et elle reste pas mal au centre. Après, c'est caoutchouc, mais c'est caoutchouc. Crème ou quand même quelque chose d'un peu plus lisse, un peu plus plastique. Non, je pense que c'est le même. Je ne sais pas. Je pense que quand il précise que c'est caoutchouc, c'est vraiment pour bien avoir une base. Mais après, c'est vrai qu'on avait eu un système similaire dans Metal Fight, notamment avec Jade Jupiter et sa fameuse pointe RB, donc Rubber Flat, qui en effet était très bonne en défense. En défense, parce que forcément la friction permettait d'accrocher le stadium et pas de se faire bousculer, mais forcément avec ça il y avait une contrepartie en endurance qui était énorme comparée aux autres pointes qui étaient en plastique basique. Et du coup, on avait la même variation avec le métal qui frottait beaucoup moins avec le sol du stadium. Quand on avait une pointe ronde en métal, on avait bien plus d'endurance mais moins de défense. Voilà. Ouais. Mais du coup, par contre, des choses intéressantes. Et je viens de remarquer quelque chose que je trouve dommage en réalité, c'est qu'on a très peu demandé l'avis à Castiel, qui n'a pu en placer qu'une, en fait, Niskin. C'est-à-dire qu'en fait, on l'avait invité pour avoir son avis en termes de débutant, frère, on lui a demandé son avis une fois. Oups. Yes, on est bon. Donc là, c'est comme si qu'il regardait la vidéo en direct. Yes. Est-ce que Castiel, tu veux donner ton avis? Parce que c'est vrai que c'est con de t'avoir invité pour ça. qu'on donne ton avis. Clairement, là, vous êtes parti dans les sujets qui sont concrètement trop complexes pour moi, là, les formes de toupies, tout ça, je suis pas encore à ce stade. Du coup, là, je suis en train de me fabriquer ma pizza en plus d'être content. Voilà. Voilà, donc franchement, Castiel, plus jamais je prends ta défense en fait. Merci, c'est ça. Plus jamais, que ce soit bien clair entre toi et moi, mon ami. Mais du coup, par contre, la pointe Keep sera sur 360 degrés. Et, une version remaniée de Orbite, en fait, en soi. Moi, je dirais plus... Il y avait Orbite, du coup, qui était en rotation libre. Moi, surtout à Byte, en fait, la pointe qui arrivait sur Baldur, qui était totalement en rubber, en fait, en caoutchouc, mais qui elle ne bougeait pas en fait sur 360 degrés. Donc, oui, d'accord. Bah, un peu une mixion des deux, quoi. C'est ça, ouais, voilà. Un petit mix des deux. Moi, je trouve ça intéressant d'avoir une pointe sur 360 degrés parce que justement, ça permettra d'avoir, comme je disais, des petits mouvements circulaires autour du stadium. Donc, encore une fois, à voir. Je pense que tu vois que tu parles de contrepartie avec l'endurance, je pense que ce sera un peu compensé avec ça pour le coup. Ouais, un peu, ouais. Donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Si jamais, petit mot sur l'animé, ce dernier commencera le 5 avril sur YouTube à 4h de l'après-midi. Ouais, parce que. En fait, ce qu'il faut, c'est que. Du coup, ouais, Beyblade Burst, donc Gachi, ne sera plus une série télé, sera une série sur YouTube uniquement. Mm-hmm. On peut expliquer que c'est pas catastrophique. Comme quoi, c'est pas comme s'ils abandonnaient Beyblade et tout ça, non ? Non, très clairement, puisqu'en fait, c'est juste qu'en fait, ils veulent laisser la place à une nouvelle série. Bakugan, Battle Planet. Voilà, pour c'est ça. En fait renouveler, tu vois, genre du coup, ça leur fait plus de. Bon, on va pas se mentir, c'est Takara, ça leur fait plus de thunes, arrêtons de mentir. Et parce que Beyblade est quand même un truc qui est vachement bien installé maintenant au Japon. C'est ça, voilà, donc, alors du que coup, Bakugan, ça recommence. Bien, on ramène du Bakugan et tout, comme ça, on se fait de la thune. Les gens ici savent que Beyblade, ça compte sur YouTube. S'ils veulent regarder, ils ont toujours un moyen de regarder, ils achèteront toujours les toupies. Et puis, on va pas se mentir, la méthode de consommer, même si les Japonais sont encore très accrochés aux horaires pour voir le premier épisode d'un manga, etc. Oui. Aujourd'hui, les mentalités évoluent, même chez eux, et il faut regarder le succès de trucs comme ADN, comme Netflix, etc. Il y a un vrai service au niveau de la vidéo à la demande. Non, mais même mettre une série entière sur Internet, c'est pas dénué de sens. Mais après, sans regarder ça aussi, toute la communication des Beyblade se tourne sur YouTube. Mais c'est juste pour préciser qu'il y en a qui vont penser que Beyblade, vu que c'est sur YouTube, ça a été abandonné, qu'ils s'en débarrassent. Non, c'est non, pas ouais, que... Non, pour le coup, fait. Ouais, je pense non, pas. Non, ils changent juste de méthode de communication, c'est tout. Et pour le coup, d'ailleurs... de support. D'ailleurs, ça n'a rien à voir avec ce que faisait Beyblade Burst à l'époque, mais on avait déjà eu une chaîne YouTube qui diffusait du Beyblade, la chaîne de Beyblade Metal Fight, qui, du coup, avait mis en libre service les épisodes sur YouTube, donc voilà, ça date pas d'hier, cette méthode. Mais voilà, mais du coup... Et d'ailleurs, c'est pas les seuls à l'avoir fait non plus. Hein, ouais, bien sûr, récemment, il y a la chaîne de Naruto qui a ouvert. Et, oui, c'est ça. Où on retrouve les épisodes de Naruto en VF ainsi qu'en VOSTFR, donc voilà, pour les intéressés. Mais du coup, ouais, qu'est-ce que je veux dire ? Bah, bien sûr, du coup, forcément, nous, vous pouvez nous attendre au tournant pour vous fin de subber les épisodes. Oui, et aussi, je rajoute juste un dernier truc, frère, par rapport au fait que ce soit sur YouTube. Si jamais ça passe en France, il y a très peu de chances que ça passe exclusivement sur YouTube sur Internet, et ouais, du coup que ça passe à la télé. Il y a très peu de chances, et il y en a qui vont me dire, genre, ouais, mais si ça passe pas à la télé japonaise, ça passera pas à la télé française, non, et non. Du coup, je sortirai ma carte piège, qui est 0G, parce que 0G, vraiment, au Japon, la fin est sortie qu'en DVD, alors qu'en France, ça a été diffusé à la télévision. Voilà. Oui, puis il faut regarder, parce que j'ai entendu certaines personnes dire que, justement, par rapport à la sortie, ce que Bakugan arrive aussi en France, certains ont dit, ouais, que Bakugan allait aussi remplacer... Beyblade en France sur les canaux. Or, ce qu'il faut. Voilà, or, ce qu'il faut bien retenir, par contre, c'est que là où c'était à peu. Enfin, c'est sur les mêmes chaînes que Beyblade et Bakugan vont se succéder au Japon. En France, c'est Beyblade, c'est Gulli et Canal J, tandis que Bakugan arrive sur Cartoon Network. Cartoon Network, comme il y a 7 ans, c'est ça. C'est ça. Ouais. C'est sur Cartoon Network. Et comme aux États-Unis où ça passe déjà. C'est ça, sur Cartoon Network aussi, avec Pokémon. Mais bref. Ok, je vois. Mais clairement, c'était juste pour vous informer qu'il y aura un changement de manière de faire, tout simplement, pour la diffusion. Et le jour de diffusion aussi, c'est vendredi du coup maintenant, c'est plus le lundi. Ouais, bien joué pour le coup. À noter aussi. Mais petit brief sur les noms. On sait que le protagoniste se nommera Drame Koryu. Donc voilà, si ouais. jamais il y en a qui sont intéressés par les noms. On sait aussi qu'il y aura, Amane Kusaba pour Ashura et potentiellement pour le rival de la série Delta Akane. Donc voilà. Encore une fois, pour les infos plus précises, allez sur Beyblade Espace. Ouais, il y a eu Hiro Morita qui a posté une page. Non, mais j'ai cherché par rapport à un nom de Toupie en fait, mais que le place de Toupie en fait. Non, c'est le nom d'un blader, pour dire. Non, mais oui, non, parce que tu sais, les noms des toupies se basent sur. Ouais, on connaît pas encore la toupie potentielle Delta. D'accord. Donc, ouais, voilà. Mais du coup, je pense que on a bien parlé. Je pense qu'il est temps de conclure, là, pour le coup. Ouais, parce que ça doit faire au moins 1h20 là qu'on tourne, en fait. On va voir ça. 1h20, putain, ouais. Mec, pile poil. Donc, voilà. C'est pas comme si je savais qu'on avait commencé un record à 20h pile. Hein? Ah bah on était vraiment raccord beaucoup. Mais ouais, du coup, bah comme d'habitude, si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Surtout si vous voulez débattre entre vous, exposer vos idées, vos théories sur ce qui va arriver, bah n'hésitez pas. Aussi pensez à prendre les infos avec des pincettes et à analyser les éléments qu'on a déjà et à pas partir trop loin non plus. Sinon, quand on aussi, précision, non, il n'y aura pas Jinga dans Burst. Ouais, non, mais oui, bien sûr. Je le reprécise parce qu'on va encore en reparler de ça, mais non, il ne sera pas dedans. Voilà. Ah, ouais. Tout au mieux, on peut espérer la même chose que pour Bakuten Shoot, c'est-à-dire une série, certains papiers, à part, reprenant l'univers de base, ça. Le système Burst à l'intérieur. Ouais, c'est ça, voilà. Et donc, pourquoi pas, avec Metal Fight, Gachi. D'ailleurs, ils ont fait une. Il y a un chapitre qui fait suite à Rising dans le dernier Kurokoro d'ailleurs. Oui. J'avais vu ça. Il me semble que ça sort tous les 3 mois, Rising. Ah ouais. C'est à peu près quelque chose comme ça, oui. C'est ça, voilà. Je crois que oui, c'est ça, c'est trimestriel. Mais en tout cas, pour le coup, Rising qui a son succès, hein, qui a trouvé clairement son public. Il est quoi, hein. Ouais, bah, bien sûr. Hein. Et du coup, bah, on espère que ça fera la même chose pour Metal Fight. Et vraiment, moi, je trouve que. Bah, Beyblade Burst, ça fait un peu la génération pont entre toutes les autres générations qui ont existé avant, donc ça va. Ouais, moi j'aime bien ça. Et en plus, dans Metal Fight, ce serait très facile à justifier, parce que là où Bakuten, on se dit, bah tiens, enfin, parce que on voit que les Bates, c'est fabriqué, quoi, par des humains, etc. Dans Metal Fight, bon, il y a quand même une histoire d'étoiles, donc là, ils peuvent juste arriver et dire, oh mon dieu, plus d'étoiles filantes, nouvelle toupie, paf, terminé. Ouais. C'est ça. Mais même, dis-toi, même l'auteur, là, Takafumi Adachi, il est emballé par Burst, donc ça veut tout dire. C'est ça, oui, bien sûr. Bah ça veut tout dire, pas tout dire, mais oui, en tout cas c'est plein de bons présages pour l'avenir. C'est ça, il est pas réticent au projet de faire ça, quoi. Oui. Non mais tout dire dans le sens où Burst ça fonctionne, c'est ça que je veux dire. Oui, bien sûr. Oui, voilà. Ah ok, ouais. Bien sûr. C'était mieux avant, mais c'est, actuellement ça fonctionne très bien, pour l'instant. Mmh. Mais par contre, voilà. Ouais, du coup, on avait pensé aussi à vous inclure, vous, dans le Bay Podcast, donc pour le prochain épisode... On avait pensé à introduire une personne, déjà, ce sera pas mal. Donc, pour du coup, les personnes qui voudraient participer au Bay Podcast, exposer leur théorie, leur avis par rapport aux infos, on vous mettra toutes les informations en description. Donc, du coup, on vous invite à aller là-bas si vous êtes intéressé. Et puis, voilà, nous, on vous invite à aller voir Beyblade Espace pour toutes les infos qu'on a citées de manière concise, concrète et les plus exactes possibles, en tout cas. Et puis je pense qu'on peut vous souhaiter la bonne journée, la bonne soirée. Et puis à la prochaine. Ouais. Et puis j'espère que Castiel t'a mis des pepperoni sur ta pizza. Voilà. Et ce sera le mot de la fin. Excellente soirée à toutes. Au revoir. Des bisous.